T'as qui qu'elle donne de petits bouts de yo. T'as qui qu'elle donne quand c'est bon derrière. T'as qui qu'elle donne, t'as qui qu'elle donne, quand la clique qu'elle donne. T'as qui qu'elle donne, t'as qui qu'elle donne, quand la clique qu'elle donne. Ça fait devant, devant, devant, derrière. Mon chapeau part à gauche, à droite, devant, derrière. T'as qui qu'elle donne, c'est bon de yo. T'as qui qu'elle donne, devant, devant, devant, derrière. T'as qui qu'elle donne, t'as qui qu'elle donne, quand la clique qu'elle donne. T'as qui qu'elle donne, t'as qui qu'elle donne, quand la clique qu'elle donne. Quand je serai trop vieux, que je pourrai plus arquer. Quand je serai bon qu'à faire la bande sur le côté. Quand les masques lourds, qui sont sans pitié, d'un coup de cul d'un Stravinsky, ils t'enverront valser. Avec à manger, à boire, je ferai figue, figue, figue, bade. Pour avoir l'air moins con, avec son bâton, bâton. J'emmerderai les gens, je leur ferai sucer mon petit poisson. C'est la bande de la citadelle, on va entrer complètement plein. De chez usine à chez Borel, on va chanter ce qui refrain. Avant de fermer les paupières, viens donc boire une dernière bière. Si tu passes par la citadelle, le jour où la bande bat son plein, on ira de bistrot en chapelle, on va chanter ce gai refrain. Avant de fermer les paupières, viens donc boire une dernière bière. Si tu ne veux pas payer à boire, se bourre la gueule dans le bénitier. Je cherche sur thune au retour du chat noir et au clair de la lune à Montmartre le soir. Monsieur le curé, fais-moi crédit, si tu ne veux pas, je paierai samedi. Si tu me fais moi bourrer, je te bourre la gueule dans le bénitier. Je cherche fortune au retour du chat noir et au clair de la lune à Montmartre le soir. Fais-moi crédit. Si tu ne veux pas, paierai samedi. Monsieur le curé, fais-moi crédit. Si tu ne veux pas, verrai samedi. Cherche fortune au retour du chat noir et au clair de la lune à Montmartre le soir. Monsieur le curé, fais-moi crédit. Si tu ne veux pas, verrai samedi. Je cherche fortune au retour du chat noir. Est-ce que t'as pas vu la bande? Elle est si étanche, elle est si complète. Est-ce que t'as pas vu la bande? Est-ce que t'as pas vu la bande? Est-ce que t'as pas vu la bande? Elle est si complète. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, te marie pas. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, elle t'emmerdera pas. Elle te fera cocu, elle te foutra des coups de poing sur la gueule. Elle te fera cocu, elle te foutra des coups de pied dans le cul. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, te marie pas. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, t'emmerdera pas la tabatière. Fais-nous crédit, on te paiera tout ça samedi. Si tu ne veux pas payer à boire, on va chôler dans ton comptoir. À la piqûre, tout le monde l'endure. Le plus vénard, c'est Copina. Qu'il rentre tôt, qu'il rentre tard, il a toujours son verre à boire. Rose la poissonnière, et l'écorché des raies, ouais, ouais. Et les vendait si cher que personne n'en voulait, ouais, ouais. Et rose, et rose, et Rosalie, c'est ma bonne amie. Et rose, et rose, et Rosalie, c'est ma bonne amie. Nous habitions là-haut, là-haut, pas au premier mais au sixième. Il est fait froid, qu'il est fait chaud, par toutes les saisons l'on s'aime. tout près du ciel, on vit heureux. Accordez-vous, jeune ménage, c'est un ménage d'amoureux. Pas au premier, mais au sixième étage. Comme elle est belle, comme elle est belle, comme elle est belle la bande. Comme elle est belle, comme elle est belle, comme elle est belle la bande. Zot, zot, zot, mon père il est soldat. Il est chasseur à cheval et moi je m'en fiche pas mal. Zot, zot, zot, mon père il est soldat. Il est chasseur à l'île et moi je me fais pas de pile.